café dans la verdure, c'est le paradis des chats. Sur les tables, la peinture s'écaille quand on touche le bois. Et le thé à la menthe dans les verres transparents fume comme le narguilé du vieil homme au turban. Mais monsieur Paul ne viendra pas aujourd'hui. Monsieur Paul est malade, paraît-il. Paraît-il. C'est un endroit sur le rocher où se rencontrent les deux mers. Devant l'Europe qui semble s'éloigner, derrière nous le désert. Sommes-nous des trafiquants d'armes ou des chercheurs d'or? Avons-nous vendu nos âmes pour trouver un trésor? Mais monsieur Paul ne viendra pas aujourd'hui. Monsieur Paul est malade, paraît-il. Paraît-il. Croire au mirage. Mais monsieur Paul ne viendra pas aujourd'hui. Monsieur Paul est malade, paraît-il.